Enseignement par le vénérable Sayadaw Upandita Bhivamsa. Centre de méditation Sakyamuni, mai 2000. Avant de vous donner les instructions pour la méditation, le vénérable Sayadaw aimerait faire quelques remarques générales à propos du Dhamma. Malgré que nous soyons très différents, nous qui sommes rassemblés ici, d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue géographique, nous sommes cependant tous les mêmes, en ce sens que nous sommes tous de la famille du samsara. Il est très probable que nous nous soyons déjà rencontrés à plusieurs reprises dans le passé. Nous sommes donc tous de vieilles connaissances. Le Bouddha, qui mérite d'être respecté par tout le monde, a dit un jour que tous les êtres humains sont reliés entre eux. Il n'existe pas d'être humain qui ne serait pas relié à un autre. C'est pour cette raison que le vénérable Sayadaw nous a dit que nous étions tous de vieilles connaissances. On pourrait l'exprimer autrement et dire que nous faisons tous partie de la même famille universelle. On pourrait également parler de la famille mondiale. Le vénérable Sayadaw constate qu'il y a ici dans l'assemblée beaucoup d'Asiatiques, particulièrement des Vietnamiens. Mais il y a également ici des Européens. Quoi qu'il en soit, on peut dire que l'assemblée ici présente rassemble des gens qui aiment le Dhamma. Il y a ici des gens qui apprécient le Dhamma du Bouddha, ce Dhamma qui élève. Vous estimez ce Dhamma, vous l'aimez. Le vénérable Sayadaw lui-même est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour ce Dhamma, qui aime ce Dhamma. Nous sommes donc tous des amis du Dhamma, nous faisons tous partie de la famille du Dhamma, car nous aimons et estimons ce Dhamma. Vous êtes donc venu ici, vous qui aimez le Dhamma et qui souhaitez acquérir ce Dhamma qui élève. Vous êtes venu ici pour recevoir la théorie du Dhamma et pour la mettre en pratique. C'est pour vous permettre de réaliser ce souhait que le vénérable Sayadaw est venu jusqu'ici. Il va vous donner ce Dhamma, il va vous faire le don du Dhamma en vous offrant chaque soir un enseignement. Le terme Dhamma a été traduit dans les différentes langues, mais il faut comprendre que sa véritable signification, c'est de donner du sens, d'aider. Le Dhamma protège. Le Dhamma élève. La nature du Dhamma, c'est donc d'aider et d'élever la personne qui le pratique. Élever et aider, c'est empêcher que la personne ne tombe dans des états inférieurs. Et lorsqu'on dit que le Dhamma élève, on peut se demander s'il élève tout le monde. Non, le Dhamma n'élève pas tout le monde. Le Dhamma n'élèvera que ceux qui pratiquent correctement, suivant les instructions. Si nous voulons obtenir les bénéfices de ce Dhamma qui élève, nous devons le mettre en pratique. Cette mise en pratique du Dhamma comporte quatre points. Tout d'abord, nous devrons étudier la méthode. Lorsque nous aurons étudié la méthode, nous devrons la mettre en application. Nous allons ensuite récolter les fruits, les bénéfices, et enfin nous devrons mettre ces bénéfices à profit. Le Dhamma ne peut élever et protéger que si ces quatre points ont été accomplis. Celui qui veut obtenir les bénéfices du Dhamma devra mettre ce Dhamma en application. Pour mettre le Dhamma en application, nous devons tout d'abord étudier la méthode. Voici un exemple qui fera mieux comprendre ce dont il s'agit. Si une personne est malade, elle doit se rendre chez un médecin, décrire ses symptômes de façon à permettre à ce médecin de faire son diagnostic et de proposer un traitement. Le médecin fait alors une prescription et la personne pourra se guérir de sa maladie en prenant ses médicaments. Elle aura alors les bénéfices de son traitement. C'est la même chose dans le domaine du Dhamma. Il faut tout d'abord étudier la méthode qui va nous permettre de pratiquer. Nous devons ensuite passer réellement à la pratique de la même façon que le malade doit prendre ses médicaments qui ont été prescrits par le médecin. Nous devons donc mettre en pratique ce que nous avons appris, ce que nous avons étudié. Si nous pratiquons, nous obtiendrons tout naturellement les bénéfices, c'est-à-dire la purification de l'esprit. Le méditant qui est attentif de seconde en seconde à l'esprit pur. Cette pureté de l'esprit, c'est un des bénéfices de la pratique. Lorsqu'on s'engage dans cette voie, il est très important de se laisser petit à petit pénétrer par l'idée que cette pratique vaut la peine. Étant né dans le plan humain, étant entré en contact avec l'enseignement du Bouddha, cela vaut vraiment la peine de se munir de trois choses: Sila Dhamma, Samadhi Dhamma et Panya Dhamma. Voyons tout d'abord Sila Dhamma. Pour les laïcs, Sila Dhamma consiste à respecter au moins cinq préceptes moraux. On parle également de Sila Sika. Ces cinq préceptes sont les suivants: s'abstenir de prendre la vie, s'abstenir de prendre ce qui n'a pas été donné, s'abstenir d'une conduite sexuelle illégitime, s'abstenir de la parole fausse et s'abstenir de prendre des intoxicants. En s'abstenant ainsi de ces cinq choses, la personne se purifie au niveau des actes et des paroles. Être pur au niveau des actes et des paroles est quelque chose de très appréciable. En s'abstenant de transgresser ses préceptes moraux, le méditant assure les fondements de sa pratique. C'est la base à partir de laquelle il va pouvoir développer samadhi, la concentration, et panya, la sagesse. Mais comme il s'agit ici d'un centre de méditation permanent où se tiennent régulièrement des retraites, non seulement de 5 ou de 10 jours, mais également des stages plus longs, il est préférable d'observer 8 préceptes moraux. Si on s'engage à prendre les 8 préceptes, il y aura quelques adaptations à faire. Dans la série des 5 préceptes, le troisième précepte consiste à s'abstenir d'une conduite sexuelle illégitime, en d'autres termes, l'adultère. Dans le cadre des 8 préceptes, ce troisième précepte consistera à s'abstenir de toute activité sexuelle, même avec son épouse. Les 3 préceptes supplémentaires sont les suivants: ne pas prendre de nourriture solide après midi, ne pas se divertir en écoutant la musique, en dansant, en chantant, en se parant de bijoux ou de fleurs, en se parfumant, et enfin, s'abstenir de l'usage immodéré de lits ou de fauteuils luxueux. Ceci constitue donc la série des 8 préceptes. Si on s'engage à observer les 8 préceptes, ce que l'on appelle Upasatha Sila, le méditant sera encore plus pur au niveau des actions et des paroles, ce qui est encore mieux. Il faut cependant savoir que la pratique de Sila ne peut pas amener le développement de l'esprit. Si on veut développer son esprit, il faut s'engager plus avant dans la pratique. Il faudra étudier la méthode et ensuite il faudra la mettre en application. Le méditant qui procède ainsi pourra constater par lui-même que son esprit se purifie petit à petit. Il verra l'esprit changer d'un instant à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Il sera étonné de voir tous ces changements. Lorsque le méditant réalise directement par lui-même, dans sa pratique, tous ces changements, lorsqu'il voit son esprit se calmer et se purifier, automatiquement, il se rend compte que cela valait la peine pour lui d'être né dans le plan humain et d'être entré en contact avec l'enseignement du Bouddha. Notre bienfaiteur, fut le vénérable Mahasi Sayadaw, a donné des instructions pour la pratique. Ces instructions sont en conformité avec l'enseignement du Bouddha. Vous aurez l'occasion d'entendre ces instructions. Avant d'écouter les instructions pour la méditation, le vénérable Sayadaw aimerait savoir si vous êtes d'accord de prendre les 3 refuges et les préceptes. Si vous êtes d'accord, le vénérable Sayadaw va vous les donner. Si vous êtes d'accord de prendre les refuges et les préceptes, s'il vous plaît, joignez les mains devant la poitrine. Ceci ne veut pas dire que vous devez adorer la personne du vénérable. Le fait de joindre les mains est simplement une attitude naturelle lorsque l'on s'apprête à faire quelque chose de noble. Il y a peut-être dans l'assemblée ici présente des gens qui ne sont pas bouddhistes ou qui pratiquent une autre religion et qui ne se sentent pas prêts à respecter le Bouddha. Ces gens ne désirent peut-être pas prendre refuge dans le Bouddha. Ceci ne pose pas de problème. Si vous appréciez le Dhamma et que vous vous sentez l'envie de prendre refuge dans le Dhamma, c'est suffisant. Si vous pensez que le Dhamma est juste, si vous pensez qu'en pratiquant le Dhamma, vous en retirerez un certain bénéfice, c'est parfaitement suffisant. Dans le domaine profane également, lorsqu'on reçoit une éducation ou une formation, il est normal de ressentir du respect. C'est la même chose pour le Dhamma qui va nous apporter la paix. Il est naturel de respecter ce qui nous apporte la paix. Vous n'êtes pas obligé de croire au Bouddha. Le vénérable Sayadaw va parler en premier et vous répéterez après lui. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Lorsqu'on répète cette formule, il faut séparer Namo de Tassa Bhagavato. La signification de la formule pali est la suivante: hommage au béni, au parfait, au pleinement illuminé par lui-même. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dhamma, je prends refuge dans la Sangha. Pour la deuxième fois, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dhamma, je prends refuge dans la Sangha. Pour la troisième fois, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dhamma, je prends refuge dans la Sangha. Inadana viramani sikha bata samadhiyami. Brahmacharya viramani sikha bata samadhiyami. Nisavada viramani sikha bata samadhiyami. Sura miraya macha pamada kana viramani sikha bata samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikha bata samadhiyami. Macchya kita vadita visuddha dasana mala gandha vilipana dharana madana vibhusana dhana viramani sikha bata samadhiyami. Pukya sayana mahasayana viramani sikha bata samadhiyami. Pukya sayana mahasayana viramani sikha bata samadhiyami. vous avez pris les 8 préceptes, la première partie est terminée. Nous allons maintenant écouter les instructions pour la méditation. Exercice pratique de méditation vipassana par Mahasi Sayadaw, Ashin ou Sobhana. L'exposé suivant était généralement donné en guise d'initiation à la méditation vipassana par le vénérable Mahasi Sayadaw à ses élèves du centre de méditation Sasana Yekta à Yangon en Birmanie. La méditation vipassana représente une tentative de la part du méditant de comprendre correctement la nature des phénomènes physiques et psychiques se déroulant dans le corps. Les phénomènes physiques sont les choses ou les objets que nous pouvons percevoir clairement autour de nous. Ainsi, le corps tout entier est-il un assemblage d'éléments composants qu'on appelle rupa en pali. Les phénomènes psychiques ou mentaux sont les activités du mental ou de la conscience qu'on appelle nama en pali. Il est possible de percevoir clairement le déroulement de ces nama et rupa au moment de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher et de penser. Nous devons en prendre pleinement conscience en les observant et en les désignant par des notes mentales telles que voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser. Lors de la méditation vipassana, il faut faire une telle désignation mentale chaque fois que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent, que l'on goûte, que l'on touche ou que l'on pense à quelque chose. Mais au début de la pratique, personne n'est en mesure de nommer chacun de ces processus. C'est pourquoi il est conseillé de commencer par noter un phénomène qui est évident et facilement perceptible. Lors de la respiration, la paroi abdominale se lève et se contracte ou s'abaisse successivement. Ce mouvement est toujours présent. En pali, on parle de vayodhatu, l'élément mouvement, c'est-à-dire le vent ou l'air. Il est donc conseillé de commencer par noter cet objet. Pour cela, il faut que vous dirigiez votre esprit attentivement vers l'abdomen et vous verrez que celui-ci se gonfle lors de l'inspiration et qu'il s'affaisse lors de l'expiration. Notez ces deux mouvements en vous disant mentalement « soulèvement » lors du mouvement ascendant, abaissement lors du mouvement descendant. Noter signifie observer et en même temps désigner mentalement. Si le mouvement n'apparaît pas clairement, placez votre main sur l'abdomen pour mieux le sentir. Ne modifiez pas le rythme de votre respiration. Ne la ralentissez pas, ne l'accélérez pas non plus, car cela vous fatiguerait. Ne respirez pas trop profondément non plus. Respirez de façon constante, comme vous avez l'habitude de le faire, et notez le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen au moment même où il se produit. Faites votre désignation mentalement et non pas verbalement. Les mots que vous choisissez n'ont pas d'importance dans la méditation vipassana. Ce qui importe, c'est la perception ou la connaissance exacte de l'objet que vous observez. Lorsque vous observez l'abdomen qui se gonfle, essayez de percevoir le mouvement du début jusqu'à la fin. Procédez de la même façon lors de l'observation de la contraction de l'abdomen. Lorsque vous notez les mouvements de l'abdomen, la prise de conscience doit correspondre à la perception de la sensation physique. L'attention au mouvement doit viser et atteindre le mouvement lui-même comme un projectile qui atteint la cible vers laquelle on l'a lancé. Pendant que vous êtes en train de noter les mouvements de l'abdomen, il se peut que votre esprit vagabonde ailleurs. Ceci aussi doit être noté en répétant mentalement « vagabonder ». Si vous notez une ou deux fois ces errements, l'esprit s'arrêtera d'errer. Revenez alors à la contemplation du mouvement de l'abdomen. Si vous imaginez, par exemple, que vous arrivez quelque part, notez « arriver », puis recommencez à noter les mouvements ascendants et descendants de l'abdomen. Si vous rencontrez quelqu'un en imagination, notez mentalement « rencontrer », puis reprenez l'observation des mouvements de l'abdomen. Si vous parlez à la personne que vous rencontrez, notez « parler ». En résumé, quelles que soient les pensées ou les réflexions qui se produisent, vous devez les noter. Si vous imaginez quelque chose, vous notez « imaginer ». Si vous pensez, vous notez « penser ». Si vous faites des projets, vous notez « projeter ». Si vous percevez, vous notez « percevoir ». Si vous réfléchissez, vous notez « réfléchir ». Si vous êtes heureux, vous notez « heureux ». Si vous vous ennuyez, vous notez « s'ennuyer ». Si vous êtes content, vous notez « content ». Si vous êtes découragé, vous notez « découragé ». L'effort de noter toutes ces activités du mental s'appelle « Chittanupassana » en pali. C'est parce que nous n'arrivons pas à les noter toutes que nous avons tendance à identifier ces activités du mental à une personne ou à un individu. Nous avons tendance à penser que c'est moi qui imagine, c'est moi qui pense, c'est moi qui projette et qui prend conscience des objets. Nous pensons à tort qu'il existe une personne qui a vécu et pensé depuis l'enfance, mais en réalité, une telle personne n'existe pas. Au lieu de cela, il n'existe qu'une succession ininterrompue d'activités mentales. C'est pour cette raison que nous devons toutes les noter afin de découvrir leur véritable nature. Nous devrons également noter chaque activité du mental au moment même où elle se produit. Si on arrive à noter ainsi, elle aura tendance à disparaître. Lorsque l'activité mentale a disparu, nous recommençons à noter le mouvement ascendant et descendant de la paroi abdominale. Lorsque vous aurez passé un certain temps à méditer dans la posture assise, des courbatures ou des sensations de chaleur risquent d'apparaître dans votre corps. Celles-ci également devront être notées attentivement. De même, lorsque les sensations douloureuses ou la fatigue se manifestent. Toutes ces sensations s'appellent Dukkha Vedana en pali. C'est le sentiment d'insatisfaction. L'effort de les noter s'appelle Vedana Nupassana en pali. Quelqu'un qui ne les remarque pas ou qui oublie de les noter ainsi sera amené à penser « J'ai des courbatures, j'ai chaud, j'ai mal. Il y a un instant, je me sentais bien et maintenant, je suis mal à l'aise à cause de toutes ces sensations désagréables. » Il est erroné d'identifier ces processus désagréables avec un ego. En réalité, aucune personne n'est impliquée dans ces processus. Il ne s'agit que d'une succession de sensations désagréables les unes après les autres. Ce processus peut être comparé à la succession continue des impulsions de courant qui font allumer une ampoule électrique. À chaque fois que le corps est confronté à des contacts désagréables, il s'ensuit que des sensations déplaisantes se manifestent l'une après l'autre. Elles doivent être notées soigneusement et attentivement, qu'il s'agisse de courbatures, de chaleur ou de douleur. Chez le débutant, ces sensations désagréables auront tendance à augmenter et à le conduire à un désir de changer la posture de son corps. Ce désir devra également être noté. Après l'avoir noté, le méditant doit recommencer à noter les courbatures, les sensations de chaleur. Un proverbe birman dit que l'effort de supporter patiemment mène au nibbana. Ce proverbe est extrêmement approprié dans la méditation. Il faut pouvoir supporter patiemment quand on médite. Si on bouge ou si on change de posture trop souvent, parce que les courbatures ou la chaleur sont insupportables, le samadhi, c'est-à-dire la bonne concentration, ne peut pas se développer. Or, si le samadhi n'a pas de chance de mûrir, la claire vision ne peut en résulter et on ne peut réaliser ni magga, la voie menant au nibbana, ni phala, le fruit de cette voie, ni nibbana, la purification complète. C'est pourquoi il faut être capable de supporter patiemment au cours de la méditation vipassana. Cette patience est nécessaire surtout lorsque les courbatures, les sensations de chaleur, les douleurs et autres sensations difficiles à supporter vont se manifester. Si ces sensations désagréables se manifestent, n'abandonnez pas immédiatement votre méditation, mais continuez à noter patiemment courbatures, chaleur, etc. Si vous procédez ainsi, ces sensations vont disparaître. Si votre concentration est bonne et forte, il est même possible que des douleurs très intenses aient tendance à disparaître et vous pourrez recommencer à noter les mouvements de l'abdomen. Mais si les sensations ne disparaissent pas, alors qu'elles ont été notées longtemps, et que d'autre part, elles sont devenues intolérables, on sera évidemment forcé de changer de posture. On commence alors par noter « désir de changer, désir de changer ». Si le bras se lève, on note « lever, lever ». S'il bouge, on note « bouger ». Le changement de posture doit être fait doucement tout en notant simultanément « lever ». Bouger, toucher. Si le corps se penche, pencher. Si le pied se lève, lever. S'il bouge, bouger. S'il se pose, poser. S'il ne se produit aucun changement et que le corps repose immobile, recommencez à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Il ne doit y avoir aucune pause entre les désignations mentales. Celles-ci doivent être continues, c'est-à-dire qu'une désignation donnée doit précéder immédiatement la prochaine et qu'un moment de samadhi doit précéder immédiatement le moment de samadhi suivant. C'est alors seulement que le méditant pourra développer les stades de maturité de la compréhension l'un après l'autre et progresser vers le but. Magga et Phalanyana, la connaissance de la voie et de son fruit, ne peuvent être réalisées que lorsque ce genre d'effort est déployé et que la succession des désignations prend de la vitesse. C'est comme si on voulait faire du feu en frottant énergiquement et inlassablement deux morceaux de bois l'un contre l'autre jusqu'à ce que l'intensité de chaleur soit telle qu'une étincelle en surgisse. Dans la méditation vipassana, il faut également noter de façon constante, inlassablement, sans laisser aucun intervalle de repos entre les désignations, quels que soient les phénomènes qui se produisent. Si par exemple une démangeaison se manifeste et que parce qu'elle est dure à supporter, le méditant désire se gratter, il devrait noter aussi bien la sensation que le désir de s'en débarrasser, sans pour autant se gratter immédiatement. En général, la démangeaison disparaît si l'on continue à noter avec persévérance. On recommence alors à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Mais si la démangeaison ne disparaît pas, on peut évidemment s'en débarrasser en se grattant. En résumé, c'est le désir d'agir qui doit être noté en premier lieu. Par la suite, tous les mouvements faisant partie du processus d'élimination de la sensation doivent être notés, en particulier au moment de toucher, de tirer le vêtement et de gratter. Puis, l'observation des mouvements de l'abdomen recommence. Chaque fois que vous effectuez un changement de posture, commencez par noter l'intention ou le désir de changer. Continuez à noter avec précision chaque mouvement qui s'ensuit, comme par exemple celui de se lever de la posture assise, de lever le bras, de le bouger ou de le tendre. Vous devez effectuer le changement au moment même où vous notez les mouvements qui le composent. Pendant que votre corps se penche en avant, notez. Lorsque vous vous levez, le corps devient léger et se redresse. Notez, se redresser. Et concentrez votre esprit sur les sensations provoquées par ce mouvement. Un méditant doit se comporter comme un invalide très faible. Les gens en bonne santé se lèvent facilement et rapidement ou brusquement. Il n'en est pas de même pour de faibles invalides qui, eux, se lèvent doucement et prudemment. Ainsi, les gens qui souffrent de douleurs lombaires se lèvent lentement pour éviter qu'un mouvement brusque ne réveille les douleurs du dos. Les méditants, eux aussi, doivent, au cours de leur pratique, faire leur changement de posture doucement et graduellement. Alors seulement, ils pourront développer une bonne attention et une bonne concentration, et la claire vision va se manifester. Commencez donc à partir de maintenant à faire des mouvements lents et graduels. Lorsqu'un méditant se lève, il doit le faire doucement, comme s'il était un invalide, et il doit noter simultanément « se lever ». Se lever. D'autre part, il doit se comporter comme s'il ne voyait pas ce que ses yeux perçoivent. De même, lorsqu'il entend quelque chose, il doit faire comme s'il n'entendait rien. Pendant la méditation, le seul souci du méditant est de noter. Il ne doit pas s'occuper de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend. Donc, aussi étranges ou frappantes que soient les choses qu'il perçoit, il doit faire comme s'il ne les voyait pas ou ne les entendait pas. Il doit uniquement noter attentivement tous ces phénomènes. Lorsqu'il bouge, le méditant doit faire des mouvements graduels comme s'il était un faible invalide. Il doit bouger ses bras et ses jambes doucement, que ce soit pour les plier ou pour les tendre. De même, il doit abaisser et redresser la tête doucement. Lorsqu'il marche, le méditant doit noter les pas, qu'il s'agisse du pied droit ou du pied gauche. Il doit être conscient de tous les mouvements successifs faisant partie du processus de la marche, depuis le moment où il lève le pied jusqu'à ce qu'il le dépose. Ceci est la méthode pour noter au cours d'une marche rapide. Lorsque vous marchez lentement ou que vous faites la marche attentive, kankama, vous devriez noter 3 mouvements à chaque pas. Vous levez le pied, vous le poussez vers l'avant et vous le posez par terre. Mais au début, commencez par noter simplement l'action de soulever le pied et ensuite de le poser, car il est nécessaire d'avoir une connaissance correcte de ce mouvement ascendant et une connaissance correcte de ce mouvement descendant et de la lourdeur du membre qui s'abaisse. Cette façon de noter deviendra plus facile après 2 jours environ. Alors vous pourrez poursuivre en notant 3 mouvements comme décrit plus haut, c'est-à-dire lever, avancer, poser. Mais au début, il vous suffit de noter seulement 1 ou 2 mouvements, comme par exemple gauche, droite, lorsque vous marchez vite, et lever, poser, lorsque vous marchez lentement. Si vous éprouvez l'envie de vous asseoir pendant que vous marchez ainsi, vous devez noter « désir de s'asseoir ». Au moment de vous asseoir, vous notez de façon concentrée la lourdeur du corps qui s'abaisse. Une fois assis, notez les mouvements nécessaires pour arranger la position de vos bras ou de vos jambes. S'il ne se produit aucun mouvement et que le corps repose tranquillement, notez le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Si des courbatures dans les membres ou de la chaleur dans une partie quelconque du corps se manifestent, poursuivez votre exercice en notant tout cela. Revenez ensuite à la contemplation des mouvements de l'abdomen. Si l'envie vous prend de vous allonger, notez ce désir, cette intention, ensuite les mouvements de vos bras et de vos jambes vous permettant de changer votre posture initiale et de passer à la posture allongée. Il faut noter tous les mouvements que vous effectuez au moment de vous préparer doucement à vous allonger, comme par exemple lever le bras, bouger le bras, poser le coude sur le lit, basculer le corps, tendre les jambes, incliner le corps, etc. Il est important de noter pendant que vous êtes en train de vous allonger, car au cours de ce mouvement, vous pouvez parvenir à des connaissances exceptionnelles, c'est-à-dire Magajnana et Phalajnana. Si le samadhi et les jnanas sont forts, ces connaissances exceptionnelles peuvent se produire à tout moment. Elles peuvent apparaître au moment même où vous tendez le bras ou où vous le pliez. C'est de cette façon que le Vénérable Ananda devint un saint. Le Vénérable Ananda essayait énergiquement d'atteindre le stade de sainteté dans la nuit précédant le premier congrès bouddhique. Il avait passé toute la nuit à pratiquer la forme de méditation vipassana que l'on appelle Kayagatasati, c'est-à-dire qu'il avait noté ses pas en répétant mentalement « droite, gauche » ou bien « lever, avancer, poser ». Il notait minutieusement les détails de tout ce qui se produisait, que ce soit l'intention de marcher ou le mouvement physique de la marche. Mais bien qu'il ait médité presque jusqu'au petit matin, il n'avait pas encore réussi à atteindre le stade de sainteté. Il se rendit compte alors qu'il avait pratiqué la marche de façon excessive et qu'afin d'équilibrer samadhi et viriya, il devait s'exercer pour un moment en posture allongée. Il entra dans sa chambre, s'assit sur le divan et s'allongea. Pendant cette action de s'allonger, il notait « s'allonger, s'allonger ». C'est alors qu'il réalisa la sainteté en un très bref instant. Avant de s'allonger, le Vénérable Ananda était simplement un sotapanna, premier degré menant vers la voie de la délivrance, la sainteté. À partir de là, il continua à méditer et arriva au stade de Sakadagami, c'est le 2e degré, puis il atteignit le degré d'Anagami, le 3e degré. Finalement, il réalisa le stade de l'Arhat, c'est-à-dire le stade de noble disciple qui atteint le dernier degré de la voie, la sainteté. Il ne lui fallut qu'un court instant pour développer ces stades successifs des voies supérieures. Comprenez bien la façon dont le Vénérable Ananda a atteint la sainteté. Une telle réalisation peut arriver à n'importe quel moment et ne dure pas obligatoirement longtemps. C'est pourquoi un méditant doit noter assidûment, sans interruption. Il ne doit pas relâcher son effort en pensant qu'une petite pause ne sera pas grave. Tous les mouvements se déroulant au moment de s'allonger et d'arranger les bras et les jambes doivent être notés attentivement et inlassablement. S'il ne se produit aucun mouvement mais que le corps repose tranquillement, il devra recommencer à noter le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Même s'il se fait tard et qu'il est temps d'aller dormir, le méditant ne devra pas encore abandonner son exercice pour aller se coucher. Un élève vraiment sérieux et énergique doit continuer à développer son attention comme s'il allait renoncer complètement à son sommeil. Il doit continuer à méditer jusqu'au moment où il s'endort. Si sa méditation est bonne et qu'elle a le dessus, il ne s'endormira pas. Mais si la somnolence prend le dessus, il s'envolera au pays des songes. Si vous êtes somnolent, vous devez noter « somnolence, somnolence ». Si les paupières tombent, vous notez « tomber ». Si elles s'alourdissent, vous notez « alourdissement ». Si les yeux piquent, vous notez « piquer, piquer ». Si vous notez ainsi, il se peut que la somnolence disparaisse et que vos yeux deviennent clairs à nouveau. Il faut noter alors « clair, clair ». Et revenir ensuite au mouvement de l'abdomen. Mais peu importe la persévérance avec laquelle le méditant continue à méditer, si une réelle somnolence se manifeste, il s'endormira. Il n'est pas difficile de s'endormir, en fait c'est très facile. Si vous méditez en position allongée, vous deviendrez graduellement somnolent et finalement vous vous endormirez. C'est pourquoi un débutant ne devrait pas méditer trop souvent en posture allongée. Il devrait s'exercer plus souvent en posture assise ou en marchant. Mais lorsqu'il se fait tard et qu'il est l'heure d'aller se coucher, il peut méditer dans la posture allongée et noter les mouvements de l'abdomen. Alors, il s'endormira tout doucement et naturellement. Le sommeil est le temps de repos du méditant. Un élève vraiment sérieux le limitera à environ 4 heures par jour. Ceci est le soi-disant temps de minuit autorisé par le Bouddha. 4 heures sont largement suffisantes. Si un débutant pense que ce n'est pas assez pour rester en bonne santé, il peut dormir jusqu'à 5 ou 6 heures. 6 heures de sommeil sont sans aucun doute suffisantes pour la santé. Quand un méditant se réveille, il doit immédiatement recommencer à noter. Quelqu'un qui désire vraiment atteindre Magga et Phalanyana ne devra se reposer de son effort de méditation que pendant le sommeil. En dehors de cela, dans les heures de réveil, il doit continuer à noter constamment et sans repos. C'est pourquoi il doit noter l'état d'esprit du réveil aussitôt qu'il émerge du sommeil en notant mentalement « se réveiller, se réveiller ». Si néanmoins il n'est pas en mesure de prendre conscience de cela, il devra commencer par noter les mouvements de l'abdomen. Lorsqu'il a l'intention de se lever, il doit noter « désir de me lever, désir de me lever ». Alors, il continue en notant les différents mouvements qu'il effectue pour arranger la position de ses bras et de ses jambes. Quand il lève la tête et qu'il se redresse, il doit noter « se redresser ». Lorsqu'il s'assoit, il note « s'asseoir ». S'il fait un quelconque mouvement pour arranger la position de ses bras et de ses jambes une fois qu'il est assis, il doit également le noter. Il faut aussi noter, au moment où l'on se lave le visage ou les mains, et au moment où l'on prend un bain ou une douche. Comme les mouvements se produisant à ce moment-là sont plutôt rapides, il faut essayer d'en noter le plus possible, à défaut de pouvoir les noter tous. Puis, il y a des actions telles que s'habiller, faire son lit, ou bien ouvrir et fermer les portes. Celles-ci doivent également être notées aussi étroitement que possible. Lorsque le méditant prend ses repas et qu'il regarde en direction de la table, il doit noter « regarder, voir, regarder, voir ». Et quand il tend le bras vers la nourriture, la touche, la prend et la mélange, lorsqu'il la prend dans la main, puis l'amène vers le visage, lorsqu'il abaisse la tête et introduit la bouchée de nourriture dans la bouche, ou lorsqu'il baisse son bras et redresse la tête, il doit noter chaque détail consciencieusement. Lorsqu'un méditant mâche les aliments, il doit noter « mâcher ». Lorsqu'il en vient à faire l'expérience du goût de la nourriture, il doit noter « goûter ». Pendant qu'il savoure la nourriture et qu'il l'avale, ou bien lorsque celle-ci descend dans l'œsophage, il doit également noter. Le méditant doit noter à chaque bouchée pendant tout le repas. Lorsqu'il boit de la soupe, il doit également noter tous les mouvements qui se produisent, comme par exemple tendre le bras, manipuler la cuillère, etc. Il est assez difficile de noter ainsi parce qu'il y a beaucoup d'actions à observer et à désigner. Un débutant risque donc d'omettre beaucoup d'objets, mais il doit néanmoins prendre la ferme résolution de noter tout ce qui se produit. Il n'y peut rien, bien sûr, s'il oublie ou s'il manque quelque chose. Aussitôt que son samadhi sera devenu plus fort, il sera capable de noter étroitement toutes ses actions. J'ai jusqu'ici mentionné beaucoup d'objets à noter. En résumé, il n'y a que peu de choses à retenir. Lors d'une marche rapide, notez gauche, droite. Et lorsqu'il s'agit d'une marche lente, notez lever, poser. Lorsque vous êtes assis tranquillement, notez simplement les mouvements de l'abdomen. Notez également ces mouvements de l'abdomen lorsque vous êtes allongé et qu'il n'y a rien de spécial à noter. Si votre esprit se met à vagabonder, notez ses activités mentales. Revenez ensuite à la contemplation du mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. Notez également les éventuelles courbatures, douleurs ou démangeaisons qui apparaissent. Ensuite, recommencez à noter les mouvements de l'abdomen. Notez également lorsque vous tendez ou pliez le bras, lorsque vous bougez vos membres, lorsque vous baissez ou relevez la tête, lorsque vous vous penchez ou que vous vous redressez. Revenez ensuite à la contemplation des mouvements de l'abdomen. Un méditant devient automatiquement capable de noter de plus en plus d'objets au fur et à mesure qu'il persévère dans la méditation. Au début de la pratique, l'esprit vagabonde beaucoup. Et il est probable que le méditant omette beaucoup de choses. Mais il ne doit pas se laisser décourager, car chaque débutant rencontre les mêmes difficultés. Du moment qu'il continue à pratiquer, il deviendra capable petit à petit de s'apercevoir de plus en plus vite que son esprit s'est mis à penser, jusqu'à ce que finalement le vagabondage cesse définitivement. Le mental est alors fixé sur l'objet qu'il observe, et les moments d'attention surviennent presque simultanément avec les objets auxquels ils se rapportent, comme par exemple lors de l'observation du mouvement ascendant et descendant de l'abdomen. En d'autres termes, le mouvement abdominal devient alors synchronisé avec l'activité mentale qui le note. L'objet physique auquel on est attentif et l'acte mental de le noter se produisent en même temps. Personne, aucun individu n'est impliqué dans ce double processus. Il n'existe que des objets physiques auxquels on prête attention et des actes mentaux correspondants, à savoir l'observation et la désignation de l'objet. Avec le temps, le méditant pourra faire lui-même l'expérience de ces faits. Lorsqu'il note le mouvement ascendant et descendant de l'abdomen, le méditant arrivera à distinguer la paroi abdominale qui se soulève comme étant un phénomène physique et l'acte mental de le noter comme étant un phénomène mental. Il réalisera la même chose au moment où il contemplera l'abdomen qui s'abaisse. À chaque fois donc qu'il notera, le méditant comprendra, réalisera lui-même clairement qu'il n'existe que des qualités matérielles, c'est-à-dire les éléments physiques ou matériels, qui sont l'objet de l'attention, et des qualités mentales qui notent ces manifestations. Réaliser cette distinction s'appelle Nama Rupa Parichedanyana en pali. c'est le début de Vipassana Jnana. Il est important d'avoir une compréhension correcte à ce stade. Si le méditant persévère dans son effort, la connaissance suivante sera la distinction entre la cause et l'effet. Pekeya Parigaha Jnana. Tandis que le méditant continue à noter, il verra lui-même que ce qui apparaît disparaît à chaque instant. Tout le monde pense que les phénomènes physiques et mentaux se perpétuent pendant toute la vie, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il n'existe aucun phénomène qui dure indéfiniment. Tout apparaît et disparaît avec une extrême rapidité, plus vite qu'un clin d'œil. Le méditant s'en apercevra au fur et à mesure qu'il continue à noter. Il n'aura alors plus de doute quant au caractère éphémère de tous les phénomènes. C'est l'impermanence des choses. Une telle conviction s'appelle Anicca-nupassana jnana en pali. Cette connaissance sera suivie de Dukkha-nupassana jnana, qui est la prise de conscience du fait que cette impermanence représente une souffrance. Le méditant risque aussi de faire face à toutes sortes d'épreuves physiques douloureuses dues au fait qu'il se rend compte que le corps est en réalité un amoncellement de souffrances. Cette prise de conscience s'appelle aussi Dukkha-nupassana jnana. Le méditant va ensuite réaliser que tous ces phénomènes psychophysiques se produisent d'eux-mêmes, qu'ils n'obéissent à la volonté de personne et qu'ils ne sont soumis au contrôle de personne. Il ne constitue aucune entité individuelle, aucun ego. Ce savoir s'appelle Anatta-nupassana jnana en pali. Si le méditant poursuit sa pratique, il va approfondir ses connaissances et réaliser en profondeur que tous les phénomènes sont anicca, dukkha et anatta. Il atteindra alors le nibbana. Tous les bouddhas, arhats et arias d'antan ont réalisé le Nibbana en suivant cette voie. Les méditants peuvent se réjouir du fait qu'eux aussi se trouvent maintenant sur le chemin de Satipatthana avec l'intention de réaliser Magganyana, Phalanyana et Nibbana Dhamma. D'autre part, s'ils se trouvent sur ce chemin, c'est parce que leurs paramis sont parvenus à maturité. Ils peuvent se réjouir de la chance de pouvoir faire l'expérience du noble samadhi, la tranquillité d'esprit due à la concentration, ainsi que le jnana, savoir ou sagesse transcendantale, qu'ils n'ont jamais connu auparavant et que les bouddhas, les arhats et les arias d'antan ont réalisé par expérience. Ils pourront sous peu faire personnellement l'expérience du même Magganyana, Phalanyana et Nibbana Dhamma que les Bouddhas, les Arhats et les Arias ont expérimenté. Il est réellement possible de les réaliser en l'espace d'un mois, de 20 ou de 15 jours de méditation. Ceux qui ont des paramis exceptionnels peuvent même les réaliser en 7 jours. C'est pourquoi le méditant peut être assuré qu'il atteindra ces Dhammas dans l'espace de temps cité ci-dessus, et qu'il sera libéré de Sakayaditi et de Visikicha, et qu'il n'aura plus à renaître dans les mondes inférieurs. C'est dans cette perspective encourageante que le méditant devrait poursuivre son effort avec confiance. Puissiez-vous tous être capables de pratiquer cette méditation correctement et d'atteindre rapidement ce même Nibbana que les Bouddhas, les Arhats et les Arias ont connu. Sadhu, sadhu, sadhu.